Fast MC, la hyène ma bouse. 2013, nique l'État. J'ai fait de la rue mon bastion, illégale transaction. Quand je vais cracher mon texte, ces zones sous haute tension. Rétrospection d'une vie dans l'économie souterraine. En gros, j'encule le budget et les promesses du président de cette nation. J'ai pas le time pour les chichis. Ici, c'est la guerre des nerfs. Des gros sous, ça canarde sans souci. On frôle les peines maximales avec un air ironique. De nos jours, le mec le plus banal peut cacher le plan des plus machiavéliques. Sordide, y'a comme un hic que mon espèce choque. Je me fais rare, mais quand je frappe, c'est radical comme la peste. Plus d'MC, tu fouais la peur. Mat les représentants de la rue dans toute leur noirceur. Tchekar, sectaire, cassage de crâne, bourrage de grâle, terre-terre, sous CR. J'emmerde Marianne, une golden, et te voilà la tête dans les étoiles. Barre-toi d'ici, tout est bien. Yo, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas. Merde, yo, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas. De la conduite sans permis à l'importation de produits illicites. Je félicite ceux qui portent leurs couilles, qui foncent dans le tas et qui ne jamais hésitent. J'ai tout vu, j'ai rien dit, la mentale des bandits. Ici la haine grandit, le slur on se brandit. On ferraille comme à son gâte, par terre on te laisse en sangar. Comme dit le pote aux Oscars, on a mal le malheur. Tatoué par le malheur, avant de crever en chaîne. Pas de charabia, trop de blabla, peu agissent. Soldats en manque d'espèces et d'espace. Comment veux-tu frère qu'on ça s'agisse? La haine nous tape, nous froisse, la merde sous les godasses. Habitué à la crasse, c'est la crise. Prêt à tout pour rafler la grosse mise. Car personne ici ne veut s'éterniser. Les minots sont prêts à tout, gangstériser. On court tous après le même trophée, à chacun ses atouts customisés. Merde, no, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas. Merde, no, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas. Barge de l'âge de la majorité, un point direct le large, sans cesse le temps ne cesse. Avec ces déboires de nous déclasser, sans cesse reclasser. Par leur loi bafouée, par mes droits hypnotisés. Mais quand je te disais que le temps ne cessera jamais de me ricasser. Le passé j'essaye de l'effacer. Jamais oublié des moments délaissés qu'ils attendent depuis tant d'années. Tout était programmé pour te faire tomber. Le temps ça s'est écoulé, c'est devant un juge qu'il faut t'assurer. Un avenir incertain, meurtri par les provoques du proc. Moi néfaste, rimagisseront les facs. No, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas. Merde, no, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas. Ça te quête sur le terre-terre, là où tes frères veulent ta place. En sous-marin de Helder, réglage de compte au brise-glace. Ne teste pas, n'est-ce pas vous qui avez dit que c'était chacun pour soi. Ici-bas, l'attitude malsaine, mais pas celle de cynique l'assassin. Où tu te retrouves la gueule en sang par terre pour un échange de regards trop malsain. Et ouais, Serbie, à chacun sa sermie, sa gréna. C'est pas le pays d'Alice, oh merveille. Le lapin est parti cueillir des cailloux de carla en guise de groseille. Wesh gros, t'as besoin de remplir le frigo. Un litre de bœuf et te voilà dans le circuit gringo. Ghetto, préjugé, cliché, contrôle abusif, égal voyou de quartier, boycotté, emploi précaire, CDI, CDD, refusé, mal barré, tête cramée. Merde, no, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas. Merde, no, c'est fort, nique l'État, c'est la terre. Wow, c'est Hela en bas de chez toi. Fais péter le son des rôdes en bas.